Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. Nous sommes le 30 avril 2010. Ce soir, avec David Lataillade. Exactement, comme des petits cons. J'avais tellement comme des petits cons. Non. Alors, on va se dire, je depuis tout à l'heure. Thank you. C'est leur classe, leur stock, les chiffres sont très simples. Mais je connais la chaîne de Dibbon, la offre des investisseurs et des offres de la offre de frappe, la offre de notre mandat. Mais tu peux les noirs. Les investisseurs, pas dans ce qu'il y a. Parce qu'on a fait la masse, on a tout guidé, on a tout guidé, on a tout guidé, on a eu pas fou. Lâche le Zeps, le Zeps, on a une autre qui est la chaîne. On a plus de place, à travers l'as. Je suis dans le 6 aux yeux. Alertel, à Valentin, on s'affaire. On dit ici dans un nombre de temps, mais ici c'est deux. On blé, on blé, refroid, on zé, prend, on zé, prend, on zé, prend, ici, Eukmen, même ici, là ici, rapoté. Alors, hop, on est, je fais un Albert, allez, lui, bête, hop, hop, on s'en dit, l'air, refroid, ça va, c'est non, libre, une bâgée. Là, ils sont listés, K.O., 15 ans, ici, se joue en U, K.O., K.O., K.O., et Rip, c'est un très Ufurge, c'est Ufurge, on s'en arrive, c'est un, on est, ici, là, pas bon, on est. Tout allez, dans la limite, non, thank you. oui, je suis parti. J'ai envie de ment. pression passive. Sur les passives, obstruction, faut pioncer. Attends, j'ai faim. Ce qui me manque, j'ai envie de manger. Tout ce qui se passe, 2, 3, 7 jours de merde. Pour 2, 3, 15 jours de haut. Maintenant, c'est le bas. La bassitude. Basse, genre bassesse. Faiblard et tout. Bien fait. Ils doivent tous être là comme ci, comme ça. Parano, en plus, constipé, diarrhée. Thank you.

Thank you.

De l'agitation. Mon Dieu, pas le long. La possibilité. La lassitude de Dieu. du dire, possibilité de la nourriture aussi. Le couvercle. Que. Dans cette nuque. Nuque de sang. Foutre. Passion. Passion portée sur la feuille. De deux mères exigées. Tergiversantes, non que rosée soit dite la passion. Mais il n'y a pas. Exprimentielle des raisons, non que ce ne soit la saisie qui importe, ainsi que non. Alors que oui, oh oui. Où est dans ce soleil doré du cours, ne serait que là, pour pouvoir comme infortune, Thank you. Laisse-moi le truc. Je sombre pas le trap. La huche que t'as laissé. Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM, il est bientôt 21h, le vendredi 19 février 2010, c'est nuisance. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'était Nuisance avec David Lataillade. C'était ce soir le 30 avril 2010, vendredi, à Toulouse.